un podcast Studio Dilettante. Les chroniques de l'inframonde. On a décidé de monter une maison d'édition indépendante. Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire. Donc science-fiction, fantasy et fantastique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'Inframonde. Un épisode spécial de nouveau puisque nous enregistrons cette fois-ci en live depuis l'usine Utopique, le centre d'art contemporain de Tessy-sur-Vire en Normandie. Je suis Corentin et je suis avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Corentin. Cette émission, elle pose le point final à une résidence d'éditeur de un mois durant lequel l'usine, en partenariat avec Normandie Livre et Lecture et Livre et Lecture en Bretagne, nous ont accueillis. On a décidé de profiter de cette plateforme d'enregistrement pour vous présenter ce dispositif de résidence et ce qu'on a pu y faire. C'est une occasion de découvrir un peu le quotidien d'éditeurs et d'éditrices qui, pour une fois, peuvent se consacrer pleinement à leur activité. C'est un peu moins roots. Et voilà. Cette résidence d'éditeur, c'est donc un projet expérimental proposé dans le cadre d'un partenariat entre les deux agences régionales du livre de Normandie et de Bretagne. D'un côté, une maison d'édition consacrée à l'imaginaire est accueillie en Normandie, donc ça c'est nous. Tandis que d'un autre côté, une maison d'édition consacrée à la poésie sera accueillie plus tard en Bretagne. Les résidences, c'est un dispositif plutôt fréquent dans le domaine culturel, mais surtout artistique. On connaît généralement les résidences d'écriture, les résidences d'artistes. Il s'agit dans ces cas-là d'un lieu qui va accueillir artistes, auteurs, autrices sur un temps donné. Ça peut être un mois, mais des fois ça peut être un an aussi. Et ça va permettre à cette personne de réaliser un processus créatif du début à la fin dans le cadre de la résidence. Et pendant ce temps-là, la personne est accueillie, elle reçoit une bourse, elle est amenée à faire des rencontres, des présentations de ses œuvres, des temps avec les scolaires par exemple. Voilà, c'est pas formalisé, toutes les résidences ne se ressemblent pas, elles sont toutes uniques, mais elles vont avoir des temps fort similaires d'une résidence à l'autre. C'est un type de dispositif qui est souvent financé par des structures culturelles et à ma connaissance le plus souvent public. Pour présenter un peu plus en détail ces dispositifs, on profite de notre présence à l'usine Utopique pour interviewer Xavier Gonzalez. Xavier est artiste plasticien, il a fondé l'usine Utopique il y a 15 ans et donc il va répondre à nos questions. Bonjour Xavier, merci de nous accueillir. Bonjour. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter l'usine Utopique ? Oui, bien sûr, je peux la présenter, mais c'est compliqué d'essayer de présenter tout un univers culturel qui existe en plein milieu rural. Je dirais que l'usine Utopique, c'est un OCNI, un objet culturel non identifié. Et vraiment dédié, comme tu disais tout à l'heure, aux résidences, parce que je pense que les artistes, autant plasticiens que n'importe quel créateur, écrivain, ou cinéaste, ou photographe, ou tout cet univers-là de la création, ils peuvent apporter une nouvelle vision dans ces territoires ruraux qui sont un tout petit peu oubliés des grandes villes et des grands espaces citadins. Donc, voilà, l'usine Utopique, il a ce rôle-là, c'est de faire bouger les choses culturellement dans un lieu qui n'avait rien et que c'était un tout petit peu le dessert culturel. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais Tessy-sur-Vire, c'est pas exactement Paris. On est un peu isolé en Normandie, mais enfin, pas si isolé que ça finalement, mais c'est vrai que c'est très rural. Tout à fait, oui. Oui, c'est la topologie, je dirais, c'est le bocage normand. On n'est pas loin de la ville préfectorale que c'est Saint-Lô, mais on est quand même à une vingtaine de kilomètres. Et on est à côté de l'autoroute, à 4 km de l'autoroute dans laquelle il passe la 84. C'est là, tout de suite, pendant l'été, c'est 6 à 7 000 voitures par jour. Mais voilà, on est pas loin de tout ce qu'on veut, mais on est dans un bocage assez tranquille. Et du coup, tu évoquais le fait que c'était un lieu qui était consacré aux résidences. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le fonctionnement de ces résidences-là ? plutôt le fonctionnement classique, puisque nous, on détonne un peu, a priori, comme exemple. Oui, oui, oui, c'est vrai que, étant qu'éditeur, bah, c'est la première fois que je reçois des éditeurs. Je pense que je me suis posé les questions de quoi faire avec vous, avec les éditeurs. Je pense que c'est très positif parce que ça nous ouvre des portes et voir de quelle façon nous, étant que lieu culturel, étant que comment on peut vous intégrer dans un territoire comme on est. C'est vrai que ça se passe complètement différent avec les résidences des auteurs, les plasticiens. À eux, on l'offre. Un outil qui est l'usine utopique avec un moment qui se pose pendant les plasticiens, par exemple, c'est 2 mois qui viennent ici, sans projet, hein, entière liberté de continuer à expérimenter ou venir avec une idée concrète parce qu'ils ont une bourse de production. Hein, mais voilà, on laisse entière liberté. On veut être un outil vraiment. Avec différentes clés et des possibilités pour les artistes et pour la création. Votre maison d'édition, vous avez un univers qui c'est inframonde, c'est un univers de fantastique et tout ça. Donc, on est en plein dedans, ça veut dire que vous êtes. Vous voulez vous ouvrir à tous ces écrivains-là qui sont dans cet univers imaginaire. Donc, je pense que peut-être faire cet échange-là, ça peut vous apporter. De voir aussi comment nous, on peut s'ouvrir à tous ces... Parce que moi, nous, quand on reçoit un artiste, on a vu seulement quel dossier. Je ne connais pas, personnellement. C'est là qu'il devient, après, tout un relationnel dans lequel, peut-être aussi, étant qu'éditeur, il va falloir que vous appreniez à être une éponge, de prendre est-ce que c'est le bon ou le pas bon, et quoi donner et quoi pas donner. Voilà, il y a une comparaison à faire entre la bonne maison d'édition et un lieu comme ça dans lequel il faut être très ouvert, mais en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qui est. Moi, je ne sais pas, les artistes qu'on va choisir l'année prochaine ou les auteurs qui vont venir. Voilà, il faut rester, on est un outil. Pareil que vous allez être un outil aussi d'édition. Eh ben, merci beaucoup Xavier pour ce temps. Et c'est vrai qu'on s'était jamais défini comme ça, mais je trouve que c'est une assez bonne approche finalement du travail éditorial, le côté outillage et mise à disposition de cet outillage aux chercheurs, dans notre cas, aux auteuristes. Du coup... Bah, pour développer cet outil-là, moi ça fait un mois que je suis sur Tessie sur Vire, que je travaille au sein de l'usine utopique, donc je remercie encore pour l'accueil. En journée, je suis donc dans d'anciennes serres qui ont été aménagées en centre d'art contemporain, c'est vraiment chouette. Et en soirée, je rentre, j'ai un appartement qui m'est alloué. Donc c'est pour vous donner une idée de vraiment, c'est un mois en bulle presque de ce côté-là. La résidence, ça me permet donc d'avoir un lieu pour réaliser les tâches traditionnelles et quotidiennes d'une maison d'édition, comme si j'étais, à bien des égards, locataire d'un bureau traditionnel. Ça peut paraître un peu banal dans un contexte de travail ordinaire, pour ceux d'entre vous pour qui c'est la vie quotidienne d'aller dans un bureau. Mais comme beaucoup d'entreprises naissantes à l'inframonde, on n'en a pas et on travaille de chez nous, avec les distractions que ça impose parfois, sans compter les autres projets auxquels on prend part. Il y a le Festival de l'Ouest Hurlant, le Laboratoire des Imaginaires, etc. Donc là, pendant un mois, j'ai vraiment pu me mettre au vert et me consacrer pleinement au travail éditorial et travailler en distanciel avec Fanny de ce côté-là. Ça nous a permis de continuer le travail de relecture des manuscrits en cours et d'y avancer en profondeur. Notamment celui d'un mémoire, également un recueil d'articles qu'on est en cours de traduction, et de finaliser également des négociations de droits de traduction et d'exploitation de commercialisation d'un ouvrage dont on a discuté ce mois-ci. En parallèle donc de cette activité quotidienne d'une maison d'édition, on a également construit avec Normandie Livre et Lecture et Livre et Lecture en Bretagne un programme d'animation, de rencontres qui ont rythmé le mois de résidence à peu près à une par semaine. Donc on a commencé avec un atelier podcast à destination des professionnels du livre. Donc sur une matinée, on a présenté le podcast comme média, mais aussi comme outil marketing dans la chaîne du livre. C'est un type de formation qu'on voulait vraiment nous développer et la résidence nous a permis de le tester, de mettre à l'épreuve notre idée d'atelier et de voir comment ça fonctionne, comment il fonctionnait et surtout de le réajuster à la réalité d'un... ça nous a d'ailleurs permis de nous rendre compte qu'ils étaient nombreux en fait parmi les professionnels du livre à avoir des envies de podcast, des concepts originaux, mais aussi de pérenniser des événements en mettant en ligne des captations audio de rencontres. Donc si vous avez ce genre de projet, sachez qu'on commence à travailler sur une offre d'accompagnement de ce type-là, hein, d'accompagnement au podcast pour les professionnels du livre. Et de toute façon, on est plus généralement toujours heureux de donner un coup de main sur, en général, puis encore plus du côté du podcast qui est quand même... une passion chère à notre cœur, à Corentin et moi. Les autres rencontres, ça a été des rencontres avec des professionnels du livre. Et dans notre processus de création, surtout qu'on arrive au terme de ce processus de création, ça a vraiment été très précieux puisque c'est l'occasion de faire connaître notre travail et surtout de le confronter à la vie de professionnels qui ne font pas partie de notre réseau traditionnel, de notre réseau habituel, d'anciens collègues, voire d'amis. Qui ont un avis, même s'ils veulent un avis très pro, qui est forcément biaisé parce qu'ils nous connaissent. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment très riche. Et puis un réseau de Rennais, d'éditeurs et d'auteurs beaucoup, et finalement assez peu d'autres professionnels, notamment les personnes qui s'occupent de transmettre le livre au lecteur. Et du coup, des professionnels comme ça, on a pu en rencontrer, notamment Mathilde, qui s'occupe de la librairie Les Racontards à Saint-Lô. On a pu la rencontrer avec un autre éditeur, l'éditeur Le Point du Jour, qui fait à la fois centre d'art et éditeur. Et l'idée, c'était un peu d'effectuer une sorte de rencontre, de surdiffusion entre nos structures communes dans le fait qu'on écrit des essais, mais finalement assez différentes dans leur approche. Là aussi, ça nous a permis du coup de découvrir tout un pan du travail d'éditeur indépendant qu'on n'avait pas eu trop l'occasion d'expérimenter depuis nos bureaux dans nos salons. On a pu vendre et défendre nos ouvrages devant une professionnelle et présenter également notre démarche de mise en libre accès des textes en numérique. Et les retours ont été plutôt positifs. Mathilde, elle a accueilli nos propositions avec enthousiasme, et ça faisait vraiment plaisir de rencontrer quelqu'un qui, en plus, comme nous, était un peu au début de sa démarche, même si elle était lancée depuis 2-3 ans. Donc c'est agréable de savoir qu'on va dans la bonne direction, et c'est aussi à ça qu'a servi cette résidence, savoir qu'on allait dans la bonne direction. Oui, surtout que dans le cas de Mathilde et du sujet du libre accès des textes numériques, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au premier abord, quand on a présenté ça, elle a été extrêmement sceptique. Elle n'était pas du tout convaincue. Le pire, c'était pas par rapport à elle. Nous, on avait peur que les libraires ils disent on va perdre de la... Enfin... Non, c'était pour nous. Elle pensait que on allait droit dans le mur avec ça. Et en fait, en expliquant le concept plus en détail, on a réussi à la convaincre, et nous, ça nous a permis aussi d'expérimenter notre argumentaire et de se rendre compte que il faut qu'on le travaille et que fallait qu'on améliore notre manière de présenter la mise en libre accès de nos textes en numérique pour que ce soit plus compréhensible pour des professionnels qui ne sont pas issus de la culture universitaire où c'est bien plus évident cette pratique-là. Une autre rencontre qu'on a eue, c'est en bibliothèque. Donc on a été très bien accueillis, là encore, par la médiathèque de Saint-Lô. Au passage, c'est comme pour la librairie des racontars. N'hésitez pas à y faire un tour. La librairie comme la médiathèque sont absolument superbes. Et donc ça vaut vraiment le détour. À la médiathèque, lors d'un petit déj des éditeurs, on était avec une autre éditrice qui présentait sa jeune maison d'édition jeunesse. Donc maison d'édition qui s'appelle Point à la ligne, Et là, ce coup-ci, l'idée, c'était de présenter la construction, les spécificités d'un lancement de maison d'édition, de jeune maison d'édition, plutôt sur la genèse, la construction du catalogue et non pas la spécificité des essais. Donc, il y avait des libraires et des bibliothécaires hein, lors de cette rencontre. Et c'était vraiment intéressant et enrichissant pour nous de recevoir toutes les questions, les avis sur notre projet, d'être un peu poussé dans certains retranchements sur certaines questions. En fait, nous, c'était des interrogations qu'on n'avait pas eues. Et ça permet de construire nos argumentaires, développer notre présentation et de nous recentrer aussi sur le projet parce que ça fait un moment qu'on est en lancement et que ça nous a permis de reprendre la main, nous remotiver aussi sur l'inframonde. Inversement, ça a aussi confirmé certaines approches qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que nous, on trépigne un peu de sortir nos livres et on a parfois l'impression de prendre un peu trop notre temps. Et on s'est bien rendu compte en échangeant avec les libraires autant qu'avec les bibliothécaires que finalement, eux, ils avaient plutôt tendance à approuver ça. Ils n'étaient pas spécialement pressés que les éditeurs se jettent vers eux avec des nouveaux projets. Ils étaient contents de voir les choses se mener solidement, brique par brique, jusqu'à ce qu'on arrive avec un projet solide, qu'ils savaient pérenne, pensé de l'avance, etc. Du coup, si on a pu bénéficier de ce temps et de cette opportunité, c'est entre autres grâce à l'aide de Valérie Schmitt, de Normandie Livre et Lecture, et de Marie-Cécile Grimaud, de Livre et Lecture en Bretagne. C'est elles qui ont porté ce projet et ont organisé des rencontres avec les acteurs du livre locaux, loin de notre Bretagne natale. Valérie Schmitt, malheureusement, elle est... Quoi, t'es pas née en Bretagne ? C'est le loin qui m'a fait rire, parce qu'on est à 1h30 de Rennes, hein, quand même. Valérie Schmitt, elle est donc malheureusement malade et elle n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc on lui souhaite tout le rétablissement possible qui, on l'espère, sera le cas lorsque vous entendrez cet épisode. Et on accueille malgré tout Marie-Cécile qui nous accompagne d'ailleurs depuis bien avant cette résidence. Marie-Cécile, elle est donc chargée de l'économie du livre au sein de Livre et Lecture en Bretagne et elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Corentin. Alors première question, on voulait te demander le motif de cette résidence en fait, son origine, surtout à partir de ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, si tu vois des éléments pour compléter l'objectif de la résidence. C'est vrai qu'en échangeant entre structure régionale du livre, on a vu plusieurs points communs entre les éditeurs qui soient en lancement ou même qui soient plus installés. C'est qu'ils n'ont pas toujours ce temps pour se travailler sur des projets au long cours, des projets de longue haleine, ou comme pour vous qui êtes en lancement, pour avoir un temps, un sas qui soit dédié à la structuration de votre entreprise. Donc pour créer ce temps, ce petit cocon qui vous donnerait tout le luxe de vous pencher sur le lancement de votre maison d'édition ou pour un éditeur installé, puisque c'est l'autre profil d'éditeur à qui est dédié ce dispositif de résidence d'éditeur. Donc pour les éditeurs plus installés, je disais, de travailler au long cours sur un projet exceptionnel. On a, donc Livre et Lecture en Bretagne a contacté Normandie Livre et Lecture pour organiser cette résidence d'éditeurs croisés. Tout l'intérêt dans ce croisement entre la Normandie et la Bretagne, c'est aussi de faire profiter aux éditeurs d'aller sur un autre territoire et, comme vous l'avez très bien expliqué, de rencontrer des acteurs professionnels qui ne font pas partie de leur réseau pour un peu confronter ce que vous avez pu imaginer, tester auprès des professionnels que vous connaissiez, auprès de professionnels qui ont un tout autre parcours et peut-être un tout autre point de vue. Pour nos successeurs qui seraient amenés éventuellement à postuler, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les motifs qui vous ont finalement amené à choisir l'inframonde ? Alors pour l'inframonde, ce qui nous a séduit dans votre dossier, c'est que bien qu'en lancement, vous ayez un programme éditorial qui soit bien défini, vous êtes toujours une maison d'édition avec une ligne éditoriale qui était claire. Et parce qu'elle avait ce côté de niche, on s'est dit qu'un coup de pouce, qu'une mise en réseau avec d'autres acteurs serait d'autant plus pertinente. Et puis, ce qui a retenu notre attention, c'est que vous venez pas de nulle part non plus. Vous êtes des personnes qui travaillaient dans le livre et qui maîtrisaient bien la chaîne. Donc, ce projet, il a été imaginé, construit, et toujours en cours de consolidation, mais que j'ai envie de dire, comme pour toute maison d'édition qui se change et évolue semaine, mois et année après année. Mais en tout cas, voilà, vous saviez ce vers quoi vous vouliez aller. Et ce niveau de professionnalisation avant le lancement nous a dit que voilà, on allait vous suivre, on avait envie de vous accompagner, de vous envoyer un signal aussi pour vous dire que votre projet, nous aussi, on y croit. Et dernier point qui a fait qu'on a le comité de sélection a choisi votre dossier, c'est que vous aviez des compétences assez multiples et transverses. Alors, je le disais, dans le secteur de l'édition, mais aussi, comme on est en train de le faire, sur la réalisation de podcasts, puisqu'un des objectifs dans la résidence d'éditeurs croisés, c'est de se dire tous les éditeurs ont des compétences assez précises, et nous, en tant que structure régionale du livre, ce qu'on a envie de faire, c'est que y ait ce partage entre professionnels du livre et de la lecture qui s'opère. Et donc, on l'a fait, vous l'avez fait, en organisant cet atelier de podcast auprès de professionnels du livre et de la lecture de Normandie. Nous, on est les premiers éditeurs, éditrices à bénéficier là, de la résidence. Et c'est quoi la suite de ce projet après notre passage en Normandie ? Alors, après votre passage en Normandie, il y aura une résidence retour. Donc, c'est la Maison de la Poésie de Rennes qui accueillera en février prochain un éditeur de poésie de Normandie. Donc, l'appel à candidature est sur le point d'être lancé par la structure régionale du livre de Normandie. Donc, pendant un mois, comme pour vous, l'éditeur normand de poésie sera accueilli à Rennes. Et dernier point, j'oubliais que en restitution de ces deux résidences, nous organiserons un événement qui reste encore à construire, mais qui permettra de faire un bilan qu'on espère joyeux et festif de ces deux résidences avec l'ensemble des partenaires qui ont participé à leur organisation. On a hâte d'y être. On va sortir un peu de la résidence et, parce que ça nous semblait une trop belle opportunité de présenter Livre et Lecture en Bretagne, Normandie Livre et Lecture et plus généralement cette forme de structure. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment cette résidence se rattache à ses missions, aux missions de Livre et Lecture par exemple, et est-ce que tu peux nous présenter plus généralement LLB et dans la mesure de ce que tu peux en faire, Normandie Livre et Lecture? Alors, c'est vrai que je ne peux pas parler, toutes les structures régionales du livre ont leurs spécificités, mais c'est vrai qu'on se rejoint tous et toutes, tous les chargés de mission qui travaillent dans ces structures régionales, sur une mission qui est au cœur de notre action, c'est l'accompagnement, et d'abord l'accompagnement individuel. On suit les porteurs de projets, que ce soit du livre, de la lecture, de la vie littéraire, sur nos territoires régionaux. On suit leurs projets dès leur naissance jusqu'à leur fin, leur transmission. Donc toute la vie de ces projets. Et c'est à travers ces accompagnements individuels, je crois, qu'on voit qu'il y a des besoins qui sont les mêmes entre ces acteurs. Alors moi, comme chargée de l'économie du livre, j'accompagne les éditeurs, les libraires, dans une moindre mesure les diffuseurs, distributeurs. Et c'est vrai que quand on suit un projet de création de maison d'édition, un projet de création de librairie ou même de développement, on se rend compte qu'il y a des besoins en comment faire un budget prévisionnel, comment je m'y prends pour aller à la rencontre des libraires et lancer ma diffusion-distribution. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, de l'identification de besoins individuels, qu'on commence à faire de l'accompagnement plus collectif. On met en place des rencontres professionnelles. On peut aider à la structuration d'outils collectifs ou accompagner la création et le lancement de réseaux, comme en ce moment on le fait pour l'accompagnement de la relance de l'Association des librairies indépendantes de Bretagne. Donc voilà l'émission globale et la structure régionale du livre. Et Donc je vous disais accompagnement individuel, et on voit que les éditeurs notamment, surtout dans cette période, ont besoin de se faire connaître auprès des réseaux de diffusion du livre, qu'ils soient libraires, bibliothécaires ou manifestations littéraires. Donc nous, on a un vrai rôle de valorisation, parce qu'on sait qu'on a des éditeurs d'exception sur nos territoires et dont il faut faire connaître les catalogues auprès de ces lieux de diffusion du livre. Et la résidence, elle rejoint, la résidence d'éditeur, elle rejoint un peu tous ces objectifs de mise en réseau, de valorisation et d'accompagnement à la réflexion de projet. Et quelles sont les autres actions, les autres missions des agences régionales du livre, en général, au-delà du travail avec les éditeurs et les libraires, par exemple ? Si on revient sur Livre et Lecture en Bretagne, donc ma collègue Florence Le Pichon est chargée de mission lecture publique. Donc elle travaille avec les différents réseaux de bibliothèques, les centres de documentation et les bibliothèques universitaires. Ma collègue Marie-Joëlle Le Tourneur travaille auprès des acteurs de la vie littéraire, manifestations littéraires et auteurs. Et puis, une des spécificités de notre structure régionale du livre, c'est que très vite, les partenaires de l'établissement public de coopération culturelle qu'est Livre et Lecture en Bretagne ont voulu accompagner les réseaux des publics dits éloignés vers la lecture et à les mettre en lien avec les acteurs du livre et la lecture. Donc ça fait plus de 10 ans qu'un poste de chargée de mission des publics éloignés a été créé. C'est aujourd'hui Lucille Renaud qui l'occupe. Et depuis peu, c'est Lia Penfornis qui coordonne le dispositif Jeunes en librairie et a aussi coordonné la manifestation Le Mois du Livre en Bretagne, a rejoint l'équipe depuis peu, depuis l'année dernière. Bah c'est parfait. Merci beaucoup Marie-Cécile. Merci à vous. C'est dommage parce que Valérie Schmitt de Normandie Livre et Lecture aurait pu vous faire une présentation également des missions de Normandie Livre et Lecture qui rejoignent une partie de celle de Livre et Lecture en Bretagne, mais qui a forcément ses spécificités propres, comme toutes les agences régionales du livre qu'on va retrouver donc toutes les régions de France. Après, il ne faut vraiment pas hésiter de votre côté à consulter les sites web de toutes ces agences-là. Et donc pour tous les auditeurs qui seraient intéressés, qui souhaiteraient être accompagnés dans leur projet en lien avec le livre et la lecture, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture. Cette fédération, elle réunit notamment les structures régionales du livre et de la lecture. Vous pourrez trouver sur son site une très jolie carte et les sites internet de ces SRL. Voilà, et comme ça, c'est vraiment quand on construit un projet autour du livre, un des interlocuteurs que je trouve vraiment incontournable. On aurait tort de s'en priver. Voilà. Et nous, ça nous a permis, en tout cas les premiers rendez-vous qu'on a eus avec toi, Marie-Cécile, ça nous a vraiment permis de structurer aussi notre projet quand on était à une étape bien avant le début du podcast, qu'on était vraiment au tout début de notre réflexion. Donc autant vous dire qu'avec un tel soutien et un mois disponible pour nous consacrer au projet, on a sérieusement pu avancer sur notre catalogue. Et en fait, pour conclure cet épisode, on s'est dit qu'on allait vous présenter là où on en était, c'était quoi les ouvrages qui allaient être les premiers des éditions de l'Inframonde. Parce qu'au bout d'un moment, on est quand même là pour faire du livre. On a un ouvrage qui s'appelle Voyage dans le temps, qui est produit par le programme de recherche Aion, qui organise des journées d'études tous les ans et dont les interventions ont été reprises par les auteurs et les autrices pour en faire des articles. Donc c'est une série d'articles assez pointus sur le concept de voyage dans le temps à travers les différentes disciplines des chercheurs et chercheuses qui ont participé. Donc on en a un au prisme de la physique par exemple, l'autre sur la reconstitution historique, le voyage dans le temps et le sport. Voilà. C'est très varié. Sous forme de recueil d'articles, un livre qui sera celui de notre deuxième collection avec le format poche qu'on a pu présenter quand on parlait de notre ligne graphique. Et ce livre sera introduit par une nouvelle qui reprend les codes du genre du voyage dans le temps. Pour nous, c'est Jean-Laurent Del Socorro qui a accepté donc d'écrire cette nouvelle et qui l'a inscrite dans son univers des Chevaliers de la Raclette qui, justement, voyage dans le temps. Un autre ouvrage dont on vous parlera un peu plus en détail dans notre épisode spécial consacré à la traduction, c'est Planète Rouge, Marxisme et Science-Fiction, qui donc s'appelle à l'origine Red Planet, Marxism and Science-Fiction. Il s'agit d'un article, d'un recueil d'articles rassemblés par China Mieville et Mark Bould. S'agissant d'une œuvre anglaise où ils font la différence entre publisher et editor, qui chez nous sont un peu rassemblés dans la même personne, en l'occurrence Fanny et moi. C'est China Mieville et Mark Bould qui ont édité le recueil, et le publisher c'est Pluto Press, avec qui on a eu le plaisir d'échanger, qui était très très sympa. On a donc pu récemment valider la négociation des droits, et j'ai commencé à travailler sur la traduction durant la résidence. Ça promet donc d'être passionnant. Et donc, on va travailler avec Katie Stewart pour un livre qui va s'appeler « Réparer la science-fiction ». Donc, il s'agit d'un état des lieux de la science-fiction française et elle a dressé les perspectives de ce que pourrait devenir la science-fiction avec son expérience de plus de 20 ans dans ce domaine-là, en tant qu'autrice, mais aussi en tant que participante de conventions, de festivals, de fans de science-fiction. Son essai est enrichi par sa méthodologie scientifique, et là-dessus on a vraiment beaucoup de chance parce que initialement quand on a conçu la ligne éditoriale de la maison d'édition, on souhaitait avoir autant des universitaires ou des doctorants ou des chercheurs, chercheuses qui allaient faire des essais avec un niveau quand même de vulgarisation qui rende leurs propos accessibles à un public large et diversifié. Mais on voulait également avoir des auteurs et des autrices de fiction qui s'essaieraient à l'essai, à la réflexion sur l'imaginaire et à qui on pourrait apporter de l'aide pour avoir une méthodologie scientifique et universitaire dans leur approche de l'essai. Et là, on triche puisque Katie, certes, écrit de la fiction, mais elle est également doctorante en psychologie et donc a déjà une méthodologie universitaire et une exigence, une rigueur scientifique qui rend son essai tout à fait... Pointu et passionnant. Bon, et ben, on arrive à la fin de ce catalogue et donc à la fin de cet épisode. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous remercie pour nous suivre, parce que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes intéressé jusqu'au bout à notre structure. On revient vers vous très bientôt avec des nouvelles sur la maison d'édition et des nouvelles qui rentreront dans le concret. On remercie une nouvelle et dernière fois l'usine Utopique pour nous avoir accueillis, et Normandie Livre et Lecture et Livre et Lecture en Bretagne pour avoir pris le temps d'organiser cette résidence. Donc on vous a déjà bien expliqué en quoi ça nous avait aidé. Si jamais vous avez des questions au sujet des résidences, sur comment postuler, voilà, et on pourra vous renvoyer les contacts des chargés de mission qui sont chargés de porter ces projets-là. Plus généralement, si vous êtes un jeune professionnel du livre, on vous a expliqué lors de cet épisode l'importance que ça avait eu pour nous de rencontrer d'autres professionnels et de nous confronter à leurs idées. Donc n'hésitez pas à venir vous confronter à nous, on est gentil, on ne mord pas, et on est toujours heureux d'échanger avec des collègues. À très bientôt. Merci.